Naturellement Parc, l'émission du Parc naturel régional de Lorraine. Cet été, partez à la découverte de la Lorraine avec un réseau d'adresses et de bons plans conciliant préservation de l'environnement, partage et lien au territoire. Pour vous guider et inspirer vos vacances, on vous propose 6 escapades éco-positives, valeurs, parc naturel régional. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, vous êtes en Lorraine. Partons à l'assaut des côtes de Meuse entre gourmandises et paysages éloquents. Implantés à flanc de coteau ou dans la plaine, les vergers sont un élément fort de ce paysage, notamment lorsqu'au printemps, ils se parent du blanc des mirabelliers en fleurs. Reine des vergers, la mirabelle y est produite en grande quantité pour des usages gourmands variés, tartes, eaux de vie, confitures, nectar. On y trouve également une petite activité viticole relancée dans les années 80 qui dispose de l'appellation Indication géographique protégée que vous entendez souvent sous le nom d'IGP. Les vins sont caractérisés par leur finesse et leur élégance aromatique. Les vins blancs sont frais et généreux, les vins rosés ou gris sont assez légers et développent un nez frais et expressif qui évoque des arômes de petits fruits rouges et d'agrumes. Les vins rouges se caractérisent par des arômes de fruits rouges, bien sûr, auxquels s'ajoutent lors du vieillissement des arômes très épicés. L'IGP Côte de Meuse regroupe seulement 15 communes, c'est vraiment un tout petit territoire, qui porte à ce jour près de 40 hectares de vignes. C'est un élément structurant de la vallée et des villages, de l'aménagement et du tourisme de ce petit territoire. Les villages sous les côtes prennent souvent la forme de villages-rues. Les maisons sont accolées les unes aux autres, sur toute la longueur du village, un peu comme les alvéoles d'une rue. On y est bien au chaud. Le remplacement est souvent motivé par un accès à l'eau grâce aux nombreuses sources qui y coulent dans de très beaux lavoirs ou fontaines comme à Viéville sous les côtes. D'ailleurs, dans ce petit village est blottie la maison d'hôte La Beauté, qui évoque une unité de mesure ancienne. Ça s'écrit B-O-2-T-E. Les chambres aux noms évocateurs comme la Nouelle. La Nouelle, c'est une petite pièce d'eau, un clin d'œil au lavoir situé juste en face. Ou les Mets, ces jardins à l'arrière des maisons, invite à la découverte de ces villages patrimoniaux. Et quand le verre se pare de cire d'abeille, Chantal Guéry vous invite dans son atelier. Un atelier qui phosphore d'idées et de projets sur la fusion des matières, tout un univers qui allie maîtrise du travail du verre au chalumeau et des techniques de l'encaustique. Bonjour Chantal, alors vous êtes une artiste complète, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Décrivez-nous un petit peu vos modes d'expression. Bonjour, je travaille la cire d'abeille chaude, donc dite à l'encaustique, et le verre tendre, le verre pseudo-calcique au chalumeau. Donc ce sont mes deux vecteurs de prédilection. Les matières en fusion sont vraiment mes modes d'expression. Voilà. Vous aimez la chaleur. Voilà, c'est ça. Et alors, vous créez dans votre atelier qui est à Viéville sous les côtes? C'est une maison-atelier, en fait, qui est au cœur des côtes de Meuse, des villes sous les côtes, au pied d'Attonchâtel et à quelques kilomètres du lac de Madine. Le nom de mon atelier pose parfois problème, alors qu'en fait, c'est simplement une phrase raccourcie. C'est très rare de travailler la cire chaude en guise de peinture, je vais dire, pour simplifier. Oui. Et donc, c'est une façon de peindre, on peut dire d'elle qu'elle est si rare. Donc, c'est... apostrophe ST, si rare. Ah, d'où voilà. L'atelier, c'est si rare. Parce que j'entends tout, sauf c'est si rare. Eh bien oui, parce que forcément, c'est pas forcément simple. Alors, pour les auditeurs, j'explique, ça s'écrit C.CIR.ART. Voilà, donc il y a un jeu de mots. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on ne sait pas comment le prononcer. Merci pour la description. Alors, on parlait tout à l'heure de verre. Comment vous en êtes arrivée à l'art du verre? J'ai fait un stage de 3 heures en Allemagne, dans un petit atelier qui pratiquait le verre Tiffany et d'autres méthodes, le fusing, etc. D'accord. Et je me suis vu attribuer un petit chalumeau avec encore la bouteille d'oxygène. Enfin voilà, c'était il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années maintenant. Bah, au bout de mes 3 heures, j'ai craqué, j'ai acheté un matériel vraiment rudimentaire, un chalumeau standard avec une petite prise d'air pour pouvoir quand même fondre du verre, quelques baguettes de verre, de la vermiculite pour refroidir mes pièces, mais bien sûr, j'avais pas de four de recuisson, rien. Donc, pendant 7 ans, j'ai travaillé comme ça. Après, j'ai bricolé un four de recuisson parce que je ne pouvais pas vendre mes productions par recuite. car on ne peut pas assurer la pérennité de l'objet. Ah, parce que ça casse. C'est pas une recuisson. Ok, d'accord. Mmh. Donc, au début, j'ai travaillé comme ça. Et puis après, petit à petit, quand j'ai pu vendre mes premières pièces, qui étaient essentiellement des perles de Murano, en fait. Hein, c'est un type de verre tendre qu'on ne crée plus en France. Donc vous, à chaque fois, vous devez importer vos baguettes de verre depuis l'Italie? Il y a des revendeurs, dont notre ami Frédéric Demoisson. Qui est aussi un artisan valeur parc naturel régional de Lorraine. Voilà, artisan valeur parc aussi à Voiville, mm-hmm. et qui a maintenant un magasin de revente de matériel. Autrement, il y a d'autres revendeurs, mais régulièrement, tous les ans, je me rends à Venise, où j'ai un ami verrier au Chalumeau. Là, cette année, je n'ai pu acheter que ce qu'ils appellent les murines. Mmh. Ce sont donc des baguettes de verre, mais qui sont travaillées à cœur avec, sur la tranche, je dirais, soit un petit cœur, soit une petite fleur. Mmh. Et ces longues baguettes, ils vont les détailler en petits tronçons. Et ces petits cylindres, qui sont déjà représentatifs d'une fleur, d'un cœur, etc., on va les inclure dans le verre chaud. Ah. Ça, c'est vraiment typique de Murano. Oui. Donc là, on a fait le tour un petit peu du verre. L'encaustique, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que pour la majorité des auditeurs, l'encaustique, c'est pas très clair. C'est vraiment mon premier attachement. D'accord. Donc, j'étais artiste plasticienne et je travaillais différents types de peintures qui existent sans plus me poser de questions. Et un jour, j'ai été confrontée à un pain de cire d'abeille. Mmh. Et sachant que les Grecs anciens utilisaient la cire pour peindre, je m'y suis intéressée. Bon, alors à l'époque, il n'y avait pas Wikipédia. Non. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai retrouvé même un ancien manuscrit. Et puis, dans les écrits un peu de Pline l'Ancien, on retrouve ça. Et donc, les Grecs anciens peignaient en mettant de la cire qui avait été certainement un peu décolorée au soleil. Mm-hmm. Ils la mettaient dans des petits récipients sur les charbons chauds. D'accord. Et avec des pigments colorés, parfois additionnés de poudre de marbre ou non, et ils peignaient au pinceau sur chevalet, en fait, soit sur du bois, soit sur des toiles. Donc, je me suis inspirée de ça pour retrouver un peu les recettes dans ce manuscrit. Je suis partie en explorant, mais sans vraiment renseignement technique autre. Oui. Et j'ai commencé à peindre comme ça. Alors moi, j'ai la chance d'avoir quand même de l'électricité, ça aide. Ça aide un petit peu, oui, j'imagine. Il y a eu quelques bons technologiques entre-temps. Mais ensuite, on peut créer des surmoulages, on peut créer des sculptures, on peut... Et la cire, au départ, je n'ai fait que des expositions éphémères parce qu'elles fondent mais ne brûlent pas. Oui. Donc, je créais des objets en cire que je faisais fondre le temps de l'exposition. D'accord. Parce que pour moi, l'art est éphémère autant que la vie humaine. Voilà. Oui. C'est un peu philosophique. C'est presque une allégorie, en fait, à travers votre production. Voilà. Parce qu'en fait, je m'appuie toujours sur la poésie. Alors, la nature est au cœur, mais sûr. Avec des poètes de la nature aussi, ou de la nature humaine, des philosophes, des... Voilà. J'élabore ma pensée comme ça. Mmh. Et donc, l'idée, c'était de donner à voir, mais surtout à pratiquer cette technique. D'accord. Donc c'est pour ça que j'en suis venue aux sorties écotouristiques à travers les propositions du parc régional et de l'office de tourisme, de dire, voilà, vous pouvez, le temps d'un après-midi, vous rendre aux ruches qui sont à côté, oui. D'avoir un petit, entre guillemets, cours sur la vie de l'abeille et le respect qu'on leur doit, mm-hmm. de revenir à l'atelier, pratiquer. Alors, j'ai créé un bar à cire avec de la cire fondue et des pigments colorés pour avoir une grande palette de possibilités. Et ça, j'ai créé dans des bacs. Ça doit être des bacs à financier ou quelque chose comme ça, des petits bacs en silicone. Oui. Donc, j'ai créé des craies colorées, mm-hmm. qui sont dans un casier d'imprimeur et qu'on peut utiliser à volonté. Donc, les gens choisissent leur support. Ça peut être une toile, ça peut être un petit objet en bois. Et vont réaliser, en fait, leur pièce à l'aide des stylos chauffants. Alors, j'ai aussi des objets soufflants. J'ai aussi tout ce qui est chaud peut servir. Hein, oui, la cire, voilà, oui, voilà. Et donc, à la fin, on a une petite dégustation de produits locaux. Si on veut parler un petit peu de votre profession aussi de formateur, hein, parce que vous organisez aussi des stages, voilà. pour pouvoir transmettre votre savoir-faire, comment on peut apprendre? Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir participer à vos stages ? Les stages de verre, déjà, il faut un certain âge quand même, parce que moi, je prends pas... je sais qu'il y a des verriers qui prennent des enfants, moi non. Mm-hmm. Parce que la flamme du chalumeau... C'est chaud quand même. C'est pas réversible, quoi. Non. On s'est brûlé, c'est grave. Mm-hmm. Donc, je donne à partir de 16-17 ans, enfin voilà. Hein, d'accord, oui, il faut quand même... Les adultes, oui. Voilà. Après, pour l'instant, je n'ai eu que des gens qui n'avaient jamais touché un chalumeau pour la bonne raison, enfin... tout au moins pour faire du verre, pour la bonne raison que je fais des stages de découverte. Je ne vais pas plus loin. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour leur donner envie. Voilà. C'est donner envie, montrer les chemins, donner les petites bases. Parce qu'en fait, avec le verre chaud, on travaille sur la température, sur la longueur de la flamme, mais aussi sur la pesanteur. Sur la verticalité ou l'horizontalité, vu que c'est un produit qui passe du solide au liquide et qui retourne après au solide, mais dans sa partie liquide, il faut gérer. Si on oublie de tourner sa pièce, ça va couler. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment travailler avec ses deux mains, avec ses deux yeux aussi. C'est mieux. Et réussir à dompter un petit peu dans un premier temps l'élément vert. Voilà. D'accord. C'est ce que je fais. Après... Les deux dernières jeunes femmes qui sont venues, elles ont l'intention de revenir. Elles ont créé chacune une vingtaine de perles qui n'étaient pas forcément rondes, pas décorées au départ. C'est un art. C'est pour ça qu'on vient apprendre chez vous. Voilà, donc quand on vient, on fait ces objets, je les recuis. Oui. Soit je les envoie, soit on vient les chercher. Et la dernière fois, donc elles sont venues chercher, elles ont nettoyé elles-mêmes leurs perles, parce qu'une fois qu'elles sont finies, il faut enlever le séparateur qui est dedans, donc il y a encore du travail. Mm-hmm. Donc elle est revenue le lendemain, pour la cire d'abeille, pour l'encaustique, c'est très familial. Ça peut être un stage perso où on vient, on a la volonté, alors là je fais faire la préparation du support, les mélanges de couleurs, je fais vraiment travailler pour que la personne après puisse travailler chez elle si elle en a envie, pour donner pareil le déclic. L'encaustique peut s'adresser aux enfants à partir de 5 ans. Alors, si on veut trouver les programmes des stages, on le trouve où ? Il n'y a pas de date définie. D'accord. Il suffit de téléphoner pour au moins deux personnes. Pour toutes les informations, on peut vous joindre au... Voilà, on peut me joindre. Au 06 81 37 71 19. Voilà. Alors, le site internet chantalguerry.wixit.com/cessirare. Et puis, on retrouve toutes les informations sur les ateliers de Chantal, sur sa création, et le lien direct vers son site internet aussi pour découvrir toute son actualité et ses expositions en cours sur www.pnr-lorraine.com. Non loin de là, l'écomusée d'Annonville-sous-les-Côtes est une boutique du parc, vraiment atypique, car elle est installée dans une maison de paysans vignerons du 19e siècle. Vous allez y trouver de nombreux produits emblématiques issus des paysages de côte ou du commerce équitable. Si tout à coup, une piqûre de curiosité pour le métier de tapissier vous prenait, sachez que l'atelier La Boudeuse se situe à Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Il vous plongera dans une atmosphère très cocooning. Lovez-vous dans un monde de formes et de couleurs et de manières nobles et naturelles. En parcourant la route bucolique des vergers et du vignoble, continuez et arrêtez-vous à la coopérative fruitière Jardin de Lorraine. C'est à Billy-sous-les-Côtes. Là, vous allez pouvoir picorer quelques fruits de saison, la Mirabelle bien sûr. Vous trouverez dans cette boutique tous les produits issus des vergers et des vignobles, des fruits frais, des glaces fermières aussi, des confitures et les vins IGP des Côtes de Meuse dont on vous parlait en introduction. Pour retrouver cette escapade, c'est tout simple. www.pnr-lorraine.com